Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être venus. Bienvenue à la bibliothèque. Il y a même des tout petits. Donc ce soir, c'est rendez-vous avec Mr. Ben Kozik. Alors, il s'appelle Benoît, mais il s'appelle Ben Kozik. Pour environ une heure de décomposition, voilà, aux accents folk rock. Benoît va émailler un peu sa présentation par des explications, par des récits, par des anecdotes, par des histoires. Donc vous découvrirez Benoît au fur et à mesure de la session. En principe, vous voyez le micro qui est ici. L'émission devrait être réécoutable sur Radio Zenzine dans le cadre d'une émission qui s'appelle « Comme une oreille », notamment animée par Jean-Baptiste ici présent, qui travaille aussi à la médiathèque d'Oraison. Et elle sera disponible sur le site des médiathèques aussi. Voilà. Benoît nous en parlera mieux aussi, puisque ça fera l'objet, si vous le souhaitez, après la prestation, d'un échange convivial pour discuter de ce qu'on veut, peut-être notamment de musique libre. Tu as porté aussi ton CD, puisqu'il y a déjà plusieurs morceaux de gravés accessibles en ligne. Pour les abonnés de la médiathèque ou des médiathèques du réseau de la DLBA, avec votre abonnement et votre carte d'abonné, si vous ne savez pas déjà, vous avez le droit, si vous vous connectez sur la plateforme internet du réseau des médiathèques, d'accéder à un des volets interactifs de la proposition qu'on fait. C'est un des touch. C'est une plateforme de musique en streaming de label indépendant et vous pouvez réécouter notamment les morceaux de Benoît à cet endroit-là, mais à d'autres endroits et on en reparlera éventuellement. Voilà. Ben, à bientôt. Bonjour. Bonjour. Je vais vous, voilà, il a bien expliqué, hein. Je vais vous jouer mes morceaux, je chante en anglais malheureusement. On me le reproche souvent, alors je vais vous expliquer de quoi je parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, hein, c'est ouvert hein, comme concert. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions même au plein milieu. Vous levez la main par contre. Hein. Fais flasher direct. Allez, après je reste tranquille. Donc c'est super, on profite de cette belle salle voûtée et du coup je vais pas installer les micros, on va faire ça juste en acoustique. On va profiter de la réverbération naturelle de l'endroit. C'est parti. La première chanson s'appelle The Storm, c'est le titre du disque que je défends en ce moment sur la route. C'est un petit disque, c'est un 4 titres, ce qu'on appelle un EP. Voilà, donc ça c'est un des morceaux du disque. Tu peux faire un petit peu de bruit, tu vas voir. Normalement, si je fais bon travail, tu vas pas parler. Allez, c'est parti. Thank you. cette chanson, elle parle d'une tempête. Hein, storm, c'est la tempête en anglais. C'est plutôt une tempête qui se passe dans une tête.